Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Mena fe nunu ira ila. Ile le kan ka irana op ablani be yoromna. Mena fe nunu ira ila. Ile le kan ka irana op ablani be yoromna. Montrez-moi où est l'enveloppe. Enveloppe irana. Enveloppe irana. Montrez-moi où est la clé. Koni irana. Koni irana. Montrez-moi où est le rasoir. Dashilina irana. Dashilina irana. Montrez-moi où est le verre. Veri irana. Veri irana. Montrez-moi où est le crayon. Crayon irana. Crayon irana. Montrez-moi où est le téléphone. Telefoni irana. Telefoni irana. Montrez-moi où est la montre. Montru irana. Montru irana. Montrez-moi où sont les ciseaux. Ciseaux nunu irana. Ciseaux nunu irana. Montrez-moi où est le peigne. Peigne irana. Peigne irana. Montrez-moi où sont les lunettes. Lunetti irana. Lunetti irana.